السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تتمة ما يتعلق باسمي الله سبحانه وتعالى الشكور والشاكر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، donc nous allons reprendre sur l'explication du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Shakur et Al-Shakir. Puis, on poursuivra, ou nous poursuivrons, Inch'Allah ta'ala, sur l'étude du nom d'Allah azza wa jal, Al-Halim. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, fi basd al-qawl fi ma'na hadha l'ism. وذكر معانيه العظيمة ودلائله الجليلة. وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخر، فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقة. ابن القيم رحمه الله تعالى explique le sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Shakur et l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit que cela renferme des sens des plus extraordinaires, des sens des plus sublimes et immenses. Quant au shukr, la reconnaissance d'Allah du Seigneur, quant à la reconnaissance du Seigneur, élevé soit-il, le sens est totalement différent du sens qu'on peut comprendre pour les créatures entre elles. Allah tabaraka wa ta'ala est plus à même d'être décrit par ash-shukr que l'ensemble de ces créatures. C'est plutôt Al-Shakur par excellence. Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Shakur par excellence. فَإِنَّهُ يُعْتِي الْعَبْدَ وَيُوَفِّقَهُ لِمَا شْكُرُوا عَلَيْهِ وَيَشْكُرُوا الْقَلِيلَ مِنَ الْعَمَلِ وَالْعَطَى فَلَا يَسْتَقِلُّهُ وَيَشْكُرَهُ وَيَشْكُرُوا الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى أَضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ وأشكر عبده بقولي بأن يثني علي بين ملائكتي وفي ملائه الأعلى ويلقي له الشكر بين عبادي ويشكر فعله، فإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل منه، وإذا بذله شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة، وهو الذي وفقه للترك والبذل. وشكر على هذا وذاك. ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتح عليهم. ولما احتمل يوسف الصديق عليه السلام ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ولما بذل الشهداء أبدانهم لو حتى مزقتها أعداؤهم شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرا خضراء أقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث، فردها علي مكمل ما تكون وأجمله وأنها عفوا وأبهاه. ولما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته وجعلهم أطيب الثناء في سماواته بين خلقه وأخلصهم بخالصة الذكر الدار. ابن القيم رحمه الله تعالى nous montre que la reconnaissance d'Allah عز وجل est celle qui a la perfection absolue. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui donne à son serviteur, puis le guide à la reconnaissance. Allah azza wa jal lui donne, puis guide ce serviteur à qui il a donné, afin qu'il se montre reconnaissant vers son Seigneur. Allah tabaraka wa ta'ala récompense et rétribue la personne qui fait peu en le rétribuant, en lui donnant beaucoup. C'est-à-dire, la personne fait peu en action, mais Allah lui donne beaucoup en récompense. Allah ne voit rien de trop petit. Allah subhanahu wa ta'ala ne voit rien de trop petit devant la rétribution. Allah tabaraka wa ta'ala se montre reconnaissant vers le serviteur qui agit. Lorsqu'il fait une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne 10 fois son équivalent. Et plus encore, il lui décuple la récompense. Allah subhanahu wa ta'ala rétribue son serviteur et se montre reconnaissant suite à ses bonnes actions en faisant ses éloges. Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de son serviteur. Allah tabaraka wa ta'ala fait les éloges de ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt les anges également font, ou plutôt Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de ses serviteurs auprès des anges rapprochés et élevés. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui permet entre les serviteurs de se témoigner de la reconnaissance. Celui qui délaisse une chose, celui qui veut l'écouter, il se lève, il va écouter ce qui se passe là-bas. Celui qui veut écouter le dars, il se montre attentif devant l'explication du nom d'Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Celui qui délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui remplace par mieux. Et celui qui donne et dépense une chose pour Allah, même peu, Allah tabaraka wa ta'ala lui remplace par meilleur et multiplie ce qu'il lui accorde. Or, c'est Allah qui l'a guidé et l'a orienté à lui donner, ou bien c'est Allah qui l'a orienté pour qu'il donne le bien et qu'il délaisse le mal ou bien la chose qu'il aura délaissée pour Allah. Donc Allah est la cause de son agissement en bien. Allah est la cause de son délaissement du mal ou bien du délaissement d'une chose pour s'orienter vers meilleur. Malgré tout cela, Allah le rétribue, le récompense et multiplie sa récompense. Lorsque les compagnons ont délaissé leur demeure et sont sortis à la recherche de l'agrément d'Allah, lorsqu'ils ont fait l'égir, Allah subhanahu wa ta'ala leur a remplacé cela par meilleur et il leur a fait posséder la dunya tout entière et leur a ouvert les portes. Et lorsque Yusuf alayhi salam, le très véridique, le prophète d'Allah, a supporté l'étroitesse de la prison, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la vasteté de la terre. Et lorsque les messagers ont risqué leur honneur sur le chemin d'Allah et leur honneur a été touché par leurs ennemis, ils ont été insultés et non respectés dans leur honneur, Allah tabaraka wa ta'ala leur a remplacé cela. Il prie sur eux, il fait leurs éloges auprès des anges rapprochés, ainsi que les anges, c'est-à-dire les anges aussi font leurs éloges. Ils reçoivent les meilleures caractéristiques, les meilleurs éloges, et cela dans tout lieu et dans les cieux élevés. Il leur a également accordé la meilleure finalité. ومن شكره سبحانه أنه يجازي عدوه بما فعله من الخير والمعروف في الدنيا ويخفف عنه يوم القيامة فلا يضيع عليه ما يعمل من الإحسان وهو من أبغض خلق إليه. Parmi la reconnaissance d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'il rétribue, il rétribue même ses ennemis. Lorsqu'ils font du bien ou des choses convenables, il les rétribue et leur donne dans ce bas monde. Et il se peut qu'ils diminuent de leur châtiment le jour de la résurrection. Donc rien de bien ne se perd chez Allah, alors que ces gens-là sont les créatures les plus détestées chez Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min shukri annahu ghafara lil mar'ati al-baghi بسقيها كلبا قد جهده العطش حتى أكل الثرى وغفر الآخر بتنحيته أو بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين. Parmi la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il ait pardonné les péchés d'une prostituée car elle a abreuvé un chien qui était assoiffé au point de lire le, au point de lécher le sol humide. Le chien était tellement assoiffé qu'il léchait au pied du puits le sol humide. Lorsqu'elle a vu cela, elle a été prise de pitié pour lui. Elle a pris de l'eau, est descendue dans le puits, a pris de l'eau et a abreuvé ce chien. Allah subhanahu wa ta'ala l'a récompensé pour cela. Et s'est montré reconnaissant envers elle pour cela, en lui effaçant ses péchés. Tout comme il a pardonné les péchés de l'homme qui a vu une branche épineuse sur le chemin des musulmans. Et il s'est dit, cela peut nuire aux musulmans. Alors il s'est saisi de la branche et a ôté cette branche du chemin. Pour cette simple action, Allah lui pardonna ses péchés. وَهُوَ سُبْحَانَهُ يَشْكُرُ الْعَبْدَ عَلَى إِحْسَانِهِ نَفْسِهِ. Parmi les choses qui nous montrent la perfection de la reconnaissance d'Allah, et que c'est al-shakur par excellence, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il récompense le serviteur quand ce dernier se fait du bien à lui-même. Or, les créatures se montrent reconnaissantes parce qu'on leur fait du bien à elles. Le serviteur se fait du bien à lui-même, Allah le récompense. Subhanallah. Et toi, tu remercies la créature quand elle te fait du bien à toi. Allah, lui, a besoin de personne. Il n'a besoin de personne, tabaraka wa ta'ala. Le simple fait que tu fasses du bien toi-même, il te rétribue pour cela, te récompense pour cela. Wa ablaghu min dhalik, annahu subhanahu alladhi a'ta al-'abda ma yahsinu bihi ila nafsihi wa shakarahu 'ala qalilihi bil adha'afi al-mudha'afati allati la nisbata al-ihsan لا نسبة لإحسان العبد إليها فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه. ابن القيم رحمه الله تعالى الله سبحانه وتعالى rétribue, se montre reconnaissant vers le serviteur lorsque ce dernier se fait du bien à sa propre personne. Or la créature se montre reconnaissante que lorsqu'on lui fait du bien. Plus grand que cela, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné au serviteur, qui a donné au serviteur ce avec quoi il allait se faire du bien. Le serviteur, par exemple, fait une sadaqa de 10 euros. Une sadaqa de 1 euro. Par cette sadaqa, Allah Azza wa Jal lui donne plus, lui pardonne des péchés, lui donne le paradis, et ainsi de suite. Mais cet argent, qu'est-ce qu'il lui a donné? C'est Allah Azza wa Jal qui lui a donné cet argent. Puis c'est Allah qui le récompense pour cela. Alors qu'il n'a pas fait du bien à Allah, il s'est fait du bien à lui-même. Allah Azza wa Jal multiplie ses récompenses. Donc Allah est le et celui qui s'est montré bienfaisant et reconnaissant envers le serviteur du fait qu'il lui a donné ce avec quoi il allait faire du bien. Ensuite, il l'a guidé à la reconnaissance. Et au final, c'est Allah qui le rétribue. Qui est donc le plus en droit d'avoir le nom Al-Shakur, le très reconnaissant? Wa ta'ammal qawlahu subhanahu. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Et Allah est reconnaissant et omniscient. C'est-à-dire, cet attribut d'Allah Azza wa Jal fait qu'Allah ne châtie pas ceux qui ne font pas les causes pour recevoir son châtiment. Tout comme le fait qu'Allah ait cet attribut, jamais la bonne action du serviteur sera perdue. ومن شكره سبحانه أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير ولا يضيع عليه هذا القدر. Parmi la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il fasse sortir son serviteur ou le serviteur du feu de l'enfer. Et cela pour le poids d'une petite fourmi de bien qu'il aura fait dans ce bas-monde. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa reconnaissance parfaite et sa rétribution totale, et le fait qu'il ait la perfection des sens de ce nom-là, Al-Shakur, celui qui a fait du bien dans ce bas-monde, le poids d'une petite fourmi, il trouvera cela le jour dernier. Il trouvera le bénéfice de cela le jour dernier et Allah le fera sortir de l'enfer par cette cause. Donc le poids de bien d'une petite fourmi ne se perd pas chez Allah subhanahu wa ta'ala. ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكر له وينوه بذكره ويخبر بملائكته وعباده المؤمنين كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام. Parmi la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de voir qu'un serviteur parmi les serviteurs d'Allah fait une bonne action et dans une situation précise il agit comme il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah tabaraka wa ta'ala se montre reconnaissant vers lui, le récompense et fait en sorte que sa renommée soit bonne parmi les gens, parmi les anges, parmi les serviteurs d'Allah. Et cette renommée, comme on le voit ici pour le croyant du peuple de Pharaon, elle traverse les siècles, elle traverse les peuples et les époques. Une chose qui s'est passée il y a des siècles, Allah le mentionne dans le Coran, et on en parle au jour d'aujourd'hui, des siècles et des siècles après la mort de Moussa alayhi salam et des gens de son peuple. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلنا رجلا أن يقول ربي الله. Un homme croyant qui cachait sa foi dans le peuple de Pharaon leur a dit, allez-vous assassiner un homme juste parce qu'il dit mon Seigneur est Allah, alors qu'il a les preuves de ça? Donc il s'est levé et il a défendu les gens du bien dans cette situation très périlleuse. Allah Azza wa Jal s'est montré reconnaissant envers lui, l'a rétribué et l'a mentionné. Ainsi nous faisons ces éloges siècle après siècle tant qu'il y aura le Coran. وكذلك شكره لصاحب ياسين مقامه ودعوته إليه. Pareillement, dans sourate Yasin, celui qui est venu, ceux qui sont venus, ou bien celui qui est venu en renfort pour appuyer la da'wa des messagers, puis il s'est fait assassiner. Allah Azza wa Jalla a mentionné son histoire et le bien qu'il lui a accordé. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. Allah Azza wa Jalla lui a accordé le pardon. Allah Azza wa Jalla lui a accordé le pardon. فلا يهلك عليه بين شكري ومغفرتي إلا هالك. Donc personne ne périra entre sa reconnaissance et son pardon, si ce n'est celui qui est voué à périr. C'est-à-dire avec toutes les causes qu'Allah Azza wa Jalla nous a mis pour nous pardonner, pour nous rétribuer, nous récompenser, personne ne périra entre la récompense d'Allah et son pardon, si ce n'est celui qui est voué à périr. فإنه سبحانه غفور شكور يغفر الكثير من الزلل يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل. Allah est certes le grand pardonneur et le grand, celui qui rétribue beaucoup et qui est beaucoup reconnaissant. Il pardonne les nombreuses fautes et il rétribue le peu de bien. ولما كان سبحانه الشكور على الحقيقة كان أحب كان أحب خلقي إلي من اتصف بصفة الشكر. Et du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est al-Shakur par excellence, ses serviteurs, ses créatures qu'il aime le plus, sont celles qui ont cette qualité, la reconnaissance. وَكَانَ أَبْغَضَ خَلْقِي إِلَيْهِ مَنْ عَطَّلَهَا وَاتَّصَفَ بِضِدِّهَا. ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان حب خلقي إلي من اتصف بصفة الشكر وكان وكما نبغض خلقه إلي من عطلها واتصف بضدها وهذا شأن أسمائه الحسنى. Donc, par ailleurs, à l'un, ou plutôt à l'inverse, ceux qu'Allah déteste le plus parmi ses créatures sont celles qui n'ont pas ces nobles caractéristiques et en sont et en ont même ou bien ont même les caractéristiques qui sont à l'opposé, c'est-à-dire l'ingratitude. Tout comme les plus aimés chez Allah sont ceux qui sont reconnaissants, ben ceux qu'Allah déteste le plus sont ceux qui sont le plus ingrats. Et c'est ainsi pour les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Allah aime parmi ses serviteurs ceux qui ont l'essence ou des sens de ses attributs. Par exemple, Allah est Al-Alim, il a sifatul ilm, Allah c'est le savant, il a l'attribut de la science, il aime les savants. Il aime les savants. Allah est Rahim, il a l'attribut de la rahma, il est très miséricordieux, il a l'attribut de la miséricorde, de la pitié, ben il aime ceux parmi ses serviteurs qui sont miséricordieux et qui ont de la pitié. Et ainsi de suite. Allah est Al-Qawi, le fort. Il a l'attribut de la quwwa, de la force. Allah Azza wa Jal aime Al-Mu'min Al-Qawi khayrun wa habbu ila Allah min Al-Mu'min Al-Da'if wa fi kullin khayr. Le croyant fort est meilleur et plus aimé chez Allah que le croyant faible, et dans les deux il y a du bien. Et ainsi de suite. Ahabbu khalqi ilay man ittasafa bi mujibiha wa abghaduhum ilay man ittasafa bi abdadiha. Donc, les plus aimés chez Allah sont ceux qui ont agit selon ce qui découle des sens, des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et les plus détestés sont ceux qui ont le contraire. Yubridul kafur wal zalima wal jahila wal qasi al qalb wal bakhila wal jabana wal mahin wal la'im wa subhanahu jamilun yuhibbul jamal alimun yuhibbul ulama rahimun yuhibbul rahimin محسن يحب المحسنين شكور يحب الشاكرين صبور يحب الصابرين جواد يحب أهل الجود ستار يحب أهل الستر قادر يلوم على العجز والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف عفو يحب العفو وتر يحب الوتر وكل ما يحبه فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبها وكل ما يبغضه فهو مما يضادها وينافيها. ولهذا يبغض الكفور والظالم. Et c'est pour cela qu'il déteste le grand ingrat, l'injuste, l'ignorant, celui qui a le cœur dur, l'avare, le lâche, le vil. Et Allah subhanahu wa ta'ala est beau, il aime la beauté, il est savant, il aime les savants. Miséricordieux, il aime ceux qui ont de la miséricorde. Bienfaisant, il aime ceux, il aime les gens de la bienfaisance. Reconnaissant, il aime les gens reconnaissants. Sabour, il a l'endurance, il aime les endurants. Généreux, il aime les gens de la générosité. Il est celui qui couvre les défauts de ses serviteurs, il aime ceux qui couvrent les fautes des autres. Il est omnipotent, il blâme pour l'incapacité. Et le croyant fort est plus aimé auprès de lui que le croyant faible. Il est pardonneur, il aime ceux qui pardonnent. Il est impair, il aime ce qui est impair. Donc tout ce qu'Allah aime fait partie des effets de ses noms et de ses attributs et de ce qui en découle. Et tout ce qu'il déteste, c'est parce que ça vient en opposition avec tout cela ou bien à l'inverse de tout cela. وفي الآيات المتقدمة جمع بين الغفور والشكور. Et dans les versets précédents, on voit qu'on a juxtaposé entre ces deux noms-là, Al-Shakur et, ou plutôt Al-Ghafur et Al-Shakur. On trouve dans les versets Al-Ghafur et à côté Al-Shakur. فهو سبحانه غفور للذنوب كلها مهما عظمت فلا يتعظمه ذنب أن يغفره الشكور لكل عمل وإن قل ولو كان مثقال ذرة ولهذا لا يجوز للمسلم أن يقنط من غفران الله للذنوب مهما عظمت كما لا يجوز له أن يحقر من أعمال البر شيئا مهما قلت فإن رب سبحانه غفور شكور. الله أكبر. Et c'est pour cela que dans les versets précédents, nous trouvons qu'Allah a mentionné Al-Ghafur à côté du nom Al-Shakur. Et il y a ici une sagesse dans cela. Al-Sheikh nous dit, avant cela c'est la parole d'Ibn Qayyim dans Iddatu Sabirin. Donc l'auteur, Hafidhahullah Ta'ala nous dit, il est subhanahu ghafurun lidhunubi kulliha. Allah est le grand pardonneur des péchés. Il les efface tous. Aussi immense soit-il, Allah efface l'ensemble des péchés. Aussi nombreux soit-il, Allah pardonne tous les péchés. Aussi immense puisse-t-il être, Allah Azza wa Jal les efface tous. Allah ne voit aucun péché trop grand pour l'effacer, ni trop nombreux pour les effacer. Parce que c'est Al-Ghafur, celui qui a le grand pardon. Et à côté du nom d'Al-Ghafur, on a le nom Al-Shakur. Allah est Shakur pour chaque acte accompli par son serviteur. Aussi minime soit-il, Allah le rétribue pour cela, parce que c'est Al-Shakur. Même s'il pèse le poids d'une petite fourmi. C'est pour cela qu'il est formellement interdit, il est formellement interdit aux musulmans de désespérer de se voir pardonner par Allah. Il est formellement interdit aux musulmans de désespérer de recevoir le pardon d'Allah pour l'ensemble de ses péchés. Aussi immense soit-il, tout comme il est interdit de mépriser une bonne action, aussi de bien aussi minime soit-elle. فإن رب سبحانه غفور شكور. Car le Seigneur subhanahu wa ta'ala est غفور. Il pardonne les péchés. شكور. Il rétribue pour les bonnes actions. وإن لا نسأله سبحانه متوسلين إليه بهذين الاسمين العظيمين أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويتقبل منا صالح أعمالنا إنه غفور شكور. Pour finir, l'auteur nous dit, et nous lui demandons, exempt soit-il de tout défaut, de toute similitude avec ses créatures, en mentionnant ces deux nobles noms. Nous lui demandons de nous pardonner nos péchés, nos transgressions, et nous lui demandons également d'accepter de nous les bonnes actions. C'est certes lui, Al-Ghafur et Al-Shakur. Voici pour finir l'explication du nom d'Allah, Al-Shakur et Al-Shakir. Passons maintenant au nom d'Allah, Al-Halim. وهو اسم تكرر وروده في القرآن الكريم في عدة مواضع. قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا. وقال الله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. وقال تعالى والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Halim. Al-Hilm peut être traduit par la mansuétude. Et on va expliquer ce que cela signifie. C'est un nom qui a été mentionné à plusieurs reprises dans le Coran. Le nom d'Allah, Al-Halim. Dans Sourate Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la traduction des sens approximatifs de ce verset, certes Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'il s'affaissait, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. Ils ont traduit ici Al-Halim par l'indulgent. Dans Surat Al-Baqarah, et sachez aussi qu'Allah est pardonneur et plein de mansuétude. Et plein de mansuétude. Dans Surat Al-Ahzab, et Allah sait cependant ce qui est en vos cœurs, et Allah est omniscient et indulgent. Wa ma'na, quant au sens du nom d'Allah, Al-Halim, الذي لا يعجل على عبادي بعقوبة الذي لا يعجل على عبادي بعقوبتهم على ذنوبهم ومعاصيهم يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه وهو يحلم عليهم فيؤخر وينذر ويؤجل ولا يعجل ويوالي النعم عليهم مع معاصيهم وكثرة ذنوبهم وزلاتهم فيحلم عن مقابلة العاصي بعصيانهم ويمهلهم كي يتوبوا ولا يعاجلهم بالعقوبة كي ينيبوا ويرجعوا. Al-Halim, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui remplit le cœur du serviteur d'espoir. C'est un des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala qui empêche le serviteur de désespérer de la miséricorde d'Allah. Quel que soit son passé, quelle que soit la multitude de fautes et de péchés, quelle qu'en soit leur grandeur, Al-Halim, c'est celui qui ne se presse pas pour punir son serviteur après son péché. Al-Halim, c'est l'indulgent, celui qui est plein de mansuétude. Il ne s'empresse pas de châtier ses serviteurs, bien qu'ils aient commis des fautes et des péchés, des désobéissances et des transgressions. Il voit ses serviteurs qui commettent de la mécréance. Il voit ses serviteurs qui lui désobéissent. Et lui, subhanahu wa ta'ala, se montre indulgent envers eux, plein de mansuétude du fait qu'il repousse la punition, du fait qu'il repousse le châtiment, du fait qu'il leur donne un répit et un délai, et il ne se presse pas de les châtier. Ajoutez à cela qu'il ne cesse de leur donner de ses bienfaits. Ils lui désobéissent, ils mécroient en lui, ils transgressent, commettent des fautes, et Allah Azza wa Jal, lui, tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de leur donner. Il continue de leur donner, de leur octroyer de ses bienfaits, bien qu'ils restent dans leur péché, bien qu'ils aient de nombreux péchés, de nombreuses fautes, Allah subhanahu wa ta'ala se montre indulgent face à la désobéissance et au péché de ses serviteurs. Il leur donne un répit afin qu'ils se repentent. Il ne s'empresse pas dans la punition afin qu'ils reviennent vers lui, afin qu'ils délaissent le péché avec regret, afin qu'ils se repentent et reviennent vers Allah dans son obéissance. Ça, c'est le sens du nom d'Allah, Al-Halim. Wa hilmuhu subhanahu amman kafara bih wa asahu an ilmin wa quwwatin wa qudratin la an ajzin. قال الله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وكان الله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. Méditez ce noble verset de Surat Fatir. N'ont-ils donc jamais parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui vécurent avant eux et qui étaient plus puissants qu'eux? Et rien dans les cieux ni sur la terre ne saurait réduire l'autorité d'Allah. Rien ne peut rendre incapable Allah Azza wa Jal. Il est parfaitement omnipotent. Et rien dans les cieux ni sur la terre ne saurait réduire l'autorité d'Allah. Car il est certes omniscient, omnipotent. Il est certes omniscient, omniscient, omnipotent. Donc on parle ici de la perfection de la science d'Allah et de la perfection de l'omnipotence d'Allah, la pleine capacité. Pourquoi ? Pour dire que l'indulgence d'Allah et sa mansuétude, le fait qu'il donne un répit, bien que les serviteurs pêchent, le fait qu'il ne les châtie pas directement, alors qu'ils ont de la mécréance, du polythéisme, des grands péchés, des petits péchés, c'est pas car Allah, c'est pas parce qu'Allah est faible. C'est pas parce qu'Allah est distrait de leurs actions. C'est pas parce qu'Allah n'est pas informé de leurs actions. C'est pas parce qu'Allah est ignorant de leurs actions. C'est pas parce qu'Allah est incapable de les punir. Non. Mais c'est parce qu'il a la perfection du hilm. La perfection de la mansuétude. La perfection de l'indulgence. Et c'est pour cela que dans ce verset, après avoir mentionné les fautes de ses serviteurs, Allah nous cite ces deux noms-là. Le savant et l'omnipotent. C'est-à-dire, il est savant de leurs actions. Il est parfaitement capable de les punir. Mais du fait qu'il a la perfection de l'indulgence, il ne les châtie pas directement. Il leur laisse un temps. Il leur laisse un répit pour qu'ils reviennent à lui et se repentent. وَحِلْمُهُ سُبْحَانَهُ عَمَّنْ كَفَرَ بِهِ وَعَصَاهُ. Donc, l'indulgence d'Allah envers ceux qui ont mécru en lui, ceux qui lui désobéissent, c'est une indulgence avec la perfection de la science, la perfection de la force, la perfection de l'omnipotence, et non pas une indulgence due ou bien accompagnée d'une imperfection. Il se peut que le serviteur, la créature, excuse celui qui fait un mal, excuse celui qui lui fait un mal, excuse celui qui opprime autrui. Pourquoi ? Parce qu'il est faible. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas informé de la gravité de son action. Pourquoi est-ce qu'il l'excuse ? Parce qu'il est faible. Parce qu'il ne sait pas, parce qu'il n'a pas les tenants, les aboutissants, parce qu'il n'a pas les détails de l'affaire. Et s'il avait été capable, fort et puissant, il l'aurait puni. Et il aurait pris son droit, ou il aurait rétabli la justice. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout, il sait tout, c'est le plus fort, il est ala kulli shay'in qadir, parfaitement omnipotent, et avec tout cela, il ne châtie pas directement son serviteur. Pourquoi ? Parce qu'il a la perfection de l'indulgence, la perfection du hilm. إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Il est parfaitement savant et omnipotent. وَقَدْ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ عَنْ حِلْمِ بِأَهْلِ الْمَعَاصِ وَالذُّنُوبِ بِأَنْوَاعِ الظُّلْمِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ يُؤَاخِذُهُمْ بِذُنُوبِهِمْ أَوَّلًا بِالْأَوَّلِ لَمَا أَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé de son indulgence envers les pécheurs, envers les adeptes des péchés, des désobéissances, envers les adeptes de l'injustice sous toutes ses formes, que s'ils se saisissaient d'eux en fonction de leurs péchés, en les punissant pour leurs péchés un par un, les uns après les autres, faute après faute, si Allah nous rétribuerait en fonction de nos péchés les uns après les autres, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran qu'il ne laisserait aucun dos à la surface de la terre. Subhanallah, personne n'échappera à la punition d'Allah. Personne n'échappera à la punition d'Allah. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. وقال تعالى وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئبا أو موئلا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans Sourate Al-Nahl et dans Sourate Al-Kahf ces sens précédemment cités. Quant à la traduction des sens du verset de Sourate Al-Nahl, na'am, si Allah se saisissait des gens en fonction de leur injustice, en fonction de leurs injustices, il ne laisserait sur terre aucune chose. Aucune chose. Mais il leur laisse un répit jusqu'à un terme déterminé. Jusqu'à un terme déterminé. Et lorsque ce terme arrive, alors personne ne peut le repousser ni l'avancer. Et dans Sourate Al-Kahf, et ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. S'ils s'en prenaient à eux pour ce qu'ils ont acquis, il leur hâterait certes le châtiment. Mais il y a pour eux un terme fixé contre lequel ils ne trouveront aucun refuge. C'est-à-dire l'accomplissement, la réalisation de cette menace, elle a un terme fixé. فَمَعَ مَا يَكُونُ مِنْهُمْ مِنْ شِرْكٍ بِهِ سُبْحَانَهُ وَوُقُوعٍ فِي مَسَاخِتِهِ وَاجْتِهَادٍ فِي مُخَالَفَتِهِ وَمُحَارَبَةِ دِينِهِ وَمُعَادَاتِ أَوْلِيَائِهِ لَهُ يَحْلُمُ عَلَيْهِمْ ويسوق إليهم أنواع الطيبات ويرزقهم ويعافيهم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي له أما شتمه فقوله إن لي ولدا وأما تكذيبه فقوله ليس يعبدني كما بدأني ليس يعيدني كما بدأني ليس يعيدني كما بدأني وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله إنهم ليدعونه إنه ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقه لا حول ولا قوة إلا بالله. Malgré tout ce qu'ils commettent comme polythéisme, ils accordent et attribuent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré tout ce qu'ils commettent, lorsqu'ils tombent dans des actions qui causent la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala, malgré tout ce qu'ils commettent, ils font des efforts dans sa désobéissance, ils combattent la religion d'Allah azza wa jal, malgré tout ce qu'ils commettent, et l'inimitié qu'ils ont à l'égard des bien-aimés d'Allah et de ses rapprochés, Allah se montre indulgent envers eux. Allah se montre indulgent envers eux. Il leur fait parvenir toutes sortes de bonnes choses. Il leur donne leur subsistance. Il les soigne et les préserve. Tout comme cela a été mentionné dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, dans le hadith de Abi Hurayrata radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit selon ce qu'il rapporte de son Seigneur. C'est un hadith Qudusi. Le fils de Adam me cite en mal. Le fils de Adam m'insulte. Et il ne lui convient pas de faire cela. et il me dément, et il ne lui convient pas de faire cela. Quant à son manque de respect, ou à ses mauvaises paroles, ou à ses insultes, cela réside dans sa parole, innali waladan, lorsqu'il mate, il dit, j'ai un enfant, la hawla wa la quwwata illa billah, le fils de Adam, insulte Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette insulte est lorsqu'il dit que Allah a un enfant. Wa amma takdhibuhu, quant au fait qu'il démente Allah, il accuse Allah de mensonge, subhanallah. C'est là et dans sa parole, laysa yu'iduni kama bada'ani. Il ne me ressuscitera pas tout comme il m'avait fait. Yani Allah Azza wa Jal nous a créés. Et dans le Coran, il nous informe, tout comme il nous a créés en premier, nu'idu wa'dan alayna. Tout comme il nous a créés la première fois, il nous fera revenir. C'est-à-dire, il nous ressuscitera yom al-qiyam, nu, non circoncis, pieds nus, sans provision de dunya. Naam, cela doit être le sens. Laysa yu'iduni kama bada'ani. Naam. Il y a un verset en ce sens dans Suratul Anbiya. Donc, il me dément lorsqu'il dit, il ne me fera pas revenir tout comme il m'a fait la première fois. Il ne me ressuscitera pas. Et dans les deux authentiques, Al-Bukhari Muslim, selon Abu Musa Al-Ash'ari radiallahu anhu, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nul, et dans une, ou bien il n'y a pas une chose qui soit plus endurante suite à une nuisance entendue qu'Allah. Il n'y a pas plus endurant qu'Allah suite à une parole qui nuit que Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, il lui attribue un enfant et lui, il les préserve et il leur donne leur subsistance. Allahu Akbar. Ils insultent Allah, ils mécroient en lui. Et Allah Azza wa Jal, chaque jour il leur donne. Chaque jour il les soigne. Chaque jour il les préserve. Chaque jour il leur donne leur subsistance. Cela fait partie de l'indulgence d'Allah Azza wa Jal. Cela fait partie des effets du hilm d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et écoutez la parole du grand savant Muhammad ibn Abi Bakr al-Ma'ruf ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Wa huwa ma'a hadha ash-shatm. وهو مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتم المكذب ويعافيه ويدفع عنه ويدعوه إلى جنته ويقبل توبته إذا تاب إليه ويبدل له بسيئاته حسنات ويبدله بسيئاته حسنات ويلطف به في جميع أحواله ويؤهله لإرسال رسله ويأمرهم بأن يلينوا له القول ويرفقوا به ابن القيم رحمه الله تعالى dans Shifa al-Alil nous dit la hawla wa la quwwata illa billah, Allah maghfir lah, Allah maghfir lana. Malgré ces insultes qui lui sont attribuées et malgré ce démenti, il démente Allah subhanahu wa ta'ala, malgré tout cela, Allah donne la subsistance à celui qui insulte, à celui qui lui manque de respect, à celui qui le dément. Il le soigne, il le préserve, il repousse de lui le mal. Il l'appelle même à son paradis. Allahu Akbar. Ils insultent Allah, ils disent qu'il ment, ils disent qu'il a un enfant, et Allah les invite à rentrer au paradis. Ils font tout cela, et Allah accepte leur repentir s'ils se repentent. Subhanallah al-Azim. Comme c'est dans le Coran, « قُلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْتَهُ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ » Dis à ceux qui ont mécru, s'ils cessent, s'ils délaissent le couvre et se repentent, « يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ » Ils se verront pardonner ce qui est passé. وَيَقْبَلُ تَوْبَتَهُ إِذَا تَابَ إِلَيْهِ Et écoutez cela. Ces gens-là, s'ils se repentent, Allah accepte leur repentir. Et ils transforment leur péché en hasanat. Ils transforment leur péché en hasanat. Dans Suratu Al-Furqan, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متى الله عز وجل nous dit et ceux qui n'invoquent pas avec Allah d'autres divinités, ceux qui ne font pas de shirk, ne commettent pas le meurtre, ne commettent pas la fornication, sauf ceux qui se repentent, sauf ceux qui ont la foi, font de bonnes œuvres. À ceux-là, bien qu'ils ont commis le shirk et ces grands péchés-là, Allah transformera les péchés en bonnes actions. Transformera les péchés en bonnes actions. Lisez la dernière page de Surat Al-Furqan. Donc, ils transforment leurs péchés en bonnes actions. Et ils se montrent doux envers eux dans toutes leurs situations. Et il les prédispose à recevoir ses messagers. Et il ordonne à ses messagers d'être doux dans leurs propos envers ces gens-là. La hawla wa la quwwata illa billah. Yani, est-ce qu'il y a plus indulgent qu'Allah? Est-ce qu'Allah n'est pas le halim par excellence après ce qu'on vient d'entendre? Ils insultent Allah. Ils lui attribuent un enfant. Ils disent qu'Allah ne va pas les ressusciter. Ils démentent ce qu'Allah a mentionné dans le Coran, la résurrection. Après tout cela, Allah leur donne leur subsistance. Il les soigne. Il repousse de le mal. Il les invite à entrer dans son paradis. Il accepte leur repentir s'ils se repentent. Il transforme leurs péchés en bonnes actions. Il est doux envers eux dans toutes leurs situations. Il envoie des messagers. Et il ordonne à ses messagers d'être doux envers ces gens-là. Certes, Allah, c'est le Halim par excellence. La parole d'Ibn Qayyim s'arrête ici. وَمِنْ ذَلِكُمْ حِلْمُهُ بِفِرْعَوْنَ مَعَ شِدَّةِ تُغْيَانِهِ وَعُلُوِهِ فِي الْأَرْضِ وَإِفْسَادِهِ لِلْخَلْقِ قال تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Entre dans cette indulgence de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette indulgence qu'il a eue envers Pharaon, malgré la transgression à outrance que s'est permis Pharaon. Oh combien elle s'est élevée sur la terre. Ô combien elle a transgressé et a fait le mal aux serviteurs. Malgré tout cela, Allah nous dit dans Surat Taha, sur la traduction des sens de ce verset, rendez-vous auprès de Pharaon, allez vers Pharaon, il s'est certes vraiment rebellé, il a certes transgressé. Parlez-lui et dites-lui des paroles douces. Parlez-lui gentiment. Dites-lui des paroles douces. Peut-être se rappellera-t-il peut-être me craindra-t-il. Allah subhanahu wa ta'ala sait que Pharaon ne va pas croire, n'est-ce pas? Allah azza wa jal sait en avance que Pharaon ne va pas croire. Allah azza wa jal sait parfaitement ce que Pharaon fait à Banu Israël. Il tue les nouveau-nés, les garçons parmi les nouveau-nés, une année, et il les laisse vivre une autre année, pour qu'ils soient à son service. Et il prend leurs femmes pour les faire travailler dans des tâches très difficiles. Il dément les messagers, il combat ses prophètes, et il dit « Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le plus haut ». Et il dit « Je n'ai pas connu d'autre divinité pour vous, si ce n'est moi ». Il a fait tout ce qu'on peut imaginer. Il a fait subir tout ce qu'on peut imaginer à son peuple. Malgré ça, Allah Azza wa Jalla lui envoie des avertisseurs avant de le châtier. Et il ordonne à ces avertisseurs de lui dire des paroles douces. En disant, peut-être me craindra-t-il, peut-être se rappellera-t-il. Ou peut-être se rappellera-t-il, peut-être me craindra-t-il. Et c'est une éducation qu'Allah nous donne. Allah sait qu'il ne va pas se rappeler, Allah sait qu'il ne va pas craindre. Mais comme l'expliquent les savants, c'est une éducation. C'est une éducation dans la da'wa. C'est une éducation. Idfa' billati hiya ahsan. Repousse le mal parce qu'il y a de meilleur. Fa'idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun kannahu waliyyul hamim. Et tu verras alors que celui avec qui il y avait une grande inimitié entre vous deviendra un ami chaleureux. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Mais n'atteindra cela que les endurants. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Donc voici l'indulgence qu'Allah Azza wa Jalla a eue envers Pharaon. Et au final, il l'a noyé après lui avoir donné un long répit. وَحِلْمُ سُبْحَانَهُ بِالَّذَيْنِ نَسَبُوا لَهُ بالذين نسبوا له الولد حيث دعاهم للتوبة وفتح لهم أبوابها. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور حليم. Pareillement, l'indulgence et la mansuétude d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ceux qui lui ont attribué, envers ceux qui lui ont attribué un enfant. Il les appelle au repentir. Wallahu ghafurun rahim. Moi j'avais dit halim peut-être. Na'am astaghfirullah, c'est une erreur de ma part, je reprends. Afala yatubuna ila Allah wa astaghfiruna wallahu ghafurun rahim. Wallahu ghafurur rahim. Jazakallahu khayran. Si je me trompe dans un hadith, dans un verset, vous me corrigez. Si je me trompe dans autre chose, pareillement, jazakumullahu khayran. Mais celui qui entend une faute, même passée, il me l'offre, jazakumullahu khayran, pour qu'on corrige. Wa hilmuhu subhanahu. Avant ça, donc la traduction, Allah subhanahu wa ta'ala a eu également de l'indulgence, et a également de l'indulgence envers ceux qui lui ont attribué un enfant. Du fait qu'il les appelle au repentir, et leur ouvre la porte du repentir. Dans Sourate Al-Ma'ida, il nous dit, sur la traduction du sens de ces versets, ont certes mécru ceux qui ont dit Allah est le troisième de trois. Ils disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire Jibril, le Fils, c'est-à-dire Isa. Et le Père, c'est-à-dire Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, كذلك يقول. Ils disent qu'il y a trois. Na'am. Ils disent qu'il y a trois. Il y a Allah, ils disent que c'est le Père. Ils disent qu'il y a Isa, ils disent que c'est le Fils. Et ils disent qu'il y a Jibril, ils disent que c'est donc le Saint-Esprit, l'appel le Saint-Esprit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ceci est une mécréance. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ. Il n'y a point de divinité, si ce n'est une seule divinité. Puis Allah nous dit, et s'il ne cesse de le dire, certains châtiments douloureux les touchera, certains châtiments douloureux touchera ceux qui ont mécru parmi eux. Puis Allah Azza wa Jal les appelle à revenir vers lui, Il leur montre son indulgence. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon? Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Wa ilmu subhanahu bi ashab al-ukhdud wa hum qawmun min al-kuffar kana 'indahum qawmun mu'minun فراودوهم للدخول في دينهم فامتنعوا فشق الكفار أخدودا في الأرض أججوا فيه نارا ثم فتنوا المؤمنين وعرضوهم على النار فمن استجاب لهم أطلقوه ومن امتنع قذفوه في النار وهذا في غاية المحاربة لله ولأوليائه المؤمنين ومع هذا كله ومع هذا كله دعاهم سبحانه للتوبة قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق قال الحسن البصري رحمه الله انظروا إلى هذا الكرم والجود قاتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة ذكره ابن كثير في تفسيره Écoutez ce passage et notez-le. Retenez-le et notez-le. L'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala envers les gens du fossé. Ceux qui ont torturé les gens du fossé. Dans Surat al-Buruj. Ces gens-là sont un peuple mécréant. Mais vivait auprès d'eux une partie des croyants. Il y avait auprès d'eux une partie de gens qui faisaient partie des croyants, qui croyaient en un Seigneur unique, une divinité unique, et ils l'adoraient seul d'un culte sincère. Parmi eux, dans ce peuple, il y avait des croyants. Qu'ont-ils fait? Ils les ont invités à entrer dans la religion. Et ils les ont contraints par la suite à délaisser l'islam et le monothéisme. Lorsque ces derniers ont refusé de mécroire en Allah et au jour dernier, lorsqu'ils ont refusé de sortir du tawhid vers le polythéisme, de l'islam vers la mécréance, ils ont creusé un fossé. Ils ont creusé un fossé immense et ils l'ont allumé. Ils y ont mis le feu. Puis, ils les ont réunis, ils ont réuni tous les croyants. Et ils les ont exposés au feu. Et ils les ont contraints à sortir de leur religion. Et ils leur ont donné le choix. Qui n'en est pas un en réalité. Mais chez Allah, c'est un choix. Et c'est une épreuve. Soit vous sortez de votre religion. Et on vous laisse la vie sauve. Et on ne vous jette pas dans le feu. Et si vous refusez de sortir de votre religion. Alors on vous jette dans le feu. Si vous n'y entrez pas de vous-même. Ils ont donc éprouvé la foi des croyants et l'ont soumise à rude épreuve. Il ne fait aucun doute qu'ici déclare la guerre à Allah. Il déclare la guerre aux rapprochés d'Allah, aux croyants, malgré tout ce qu'ils ont fait. Ils ont jeté les croyants dans le feu. Ils ont brûlé les croyants juste parce qu'ils ont dit notre Seigneur Allah, on n'adore que lui. Parce que c'est notre créateur. Juste pour cela, ils les ont tous assassinés. Juste pour cela, ils les ont brûlés, ils les ont jetés dans le feu. Pas pour une faute commise, non, juste pour ça. Parce qu'ils ont dit la ilaha illallah. Malgré tout ce qu'ils ont fait. Après tout ce qu'ils ont fait. Allah Azza wa Jalla leur a quand même laissé la porte du repentir. Subhanallah. Il leur a quand même laissé la porte du repentir. Et dans Surat al-Buruj, le verset 10, ceux qui ont fait subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Al-Hasan al-Basri dit, regardez cette grande générosité, cette grande noblesse. Ils ont assassiné les rapprochés d'Allah. Et lui, il les appelle au repentir et au pardon. Subhanallah, dans le sens où, s'ils se seraient repentis, Allah aurait accepté leur repentir et il ne les aurait pas mis en enfer malgré ce qu'ils ont fait aux croyants. Que se passe-t-il actuellement en Chine? Avez-vous entendu parler d'un peuple musulman qui subit en Chine? Avez-vous entendu parler de cela ou pas? Comment ça se nomme ce peuple? Les Ouïghours. Ils les ont recensés. Ils les ont mis en captivité. Ils les ont mis dans des camps. Juste parce qu'ils ont dit « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ». Ils ont construit, ils ont dépensé, juste pour opprimer les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils n'ont pas commis de faute. Juste parce qu'ils posent leur front par terre, à 5 heures de la journée, à 5 moments de la journée. Pensent-ils qu'Allah ne les voit pas? Qu'Allah ne les surveille pas, qu'ils ne vont pas revenir vers Allah Azza wa Jal. Et ces croyants-là, Allah est leur Seigneur, Allah les voit, Allah les protégera et leur donnera le secours. Et c'est la sunna d'Allah Azza wa Jal d'éprouver ses bien-aimés pour les secourir au final. Il éprouve celui qu'il aime. Inna Allah idha habba qawman ibtalahum. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَعَلَيْهِ السُّخْطُ. Le prophète alayhi wa sallam nous dit certain, quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui se montre endurant, ou plutôt celui qui agrée cette épreuve, Allah lui accorde son agrément. Et celui qui se révolte contre cette épreuve, Allah lui accorde son courroux. فَنَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُفَرِّجَ عَنْ إِخْوَانِنَا في الصين وأن يأخذ الظالم أخذه القوي المتين إن أخذه أليم شديد. On demande à Allah Azza wa Jal de secourir et de sauver nos frères qui sont dans, et nos sœurs qui sont dans cette situation là-bas et dans d'autres endroits au monde. Tout comme nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Aziz, Rabb al-Alamin, alladhi huwa ala kulli shay'in qadir, de se saisir de ces injustes et d'en faire un signe, et d'en faire un signe pour ceux qui viendront après eux, de sa toute-puissance et de sa justice, et qu'il leur donne à chacun ce qu'il mérite, et qu'il panse les plaies de ce peuple croyant. Donc malgré tout ce qu'ils ont fait à Ashab al-Ukhdud, Allah Azza wa Jal nous dit ثُمَّ لَمْ يَتُوبُ. Puis qu'ils ne se, s'ils ne se, yani en d'autres termes, s'ils ne se repentent pas, ils subiront tout cela. وَمِنْ حِلْمِ سُبْحَانَهُ إِمْسَاكُوا لِلسَّمَاءِ أَنْ تَقَعَ الْأَرْضُ وَإِمْسَاكُوا لَهَا أَنْ تَزُولَ مَعَ كَثْرَةِ ذُنُوبِ بَنِي آدَمَ وَمَعَاصِيهِمْ. قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. قال العلامة ابن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام رحمته وسعة حلمه ومغفرته وأنه تعالى يمسك السماوات والأرض عن الزوال فإنهما لو زالتا ما أمسكهما أحد من الخلق ولعجزت قدرتهم وقواهم عنها أو عنهما ولكنه تعالى قضى يكون كما وجد ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار وليعلم من عظيم سلطانه وقوة قدرته ما به تملأ قلوبهم له إجلالا وتعظيما ومحبة وتكريما وليعلم كمال حلم ومغفرته بإمهال المذنبين وعدم معاجلته للعاصين مع أنه لو أمر السماء لحصبتهم ولو أذن للأرض لابتلعتهم ولكن وسعت هم مغفرته ولكن وسعته مغفرته وحلمه وكرمه إنه كان حليما غفورا. Parmi l'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il retienne les cieux afin qu'ils ne s'affaissent pas, afin qu'ils ne s'écroulent pas sur nous. Afin qu'ils ne s'écroulent pas sur la terre. Il les retient afin qu'ils ne s'affaissent pas. Malgré la multitude des péchés du fils de Adam, et les désobéissances. Dans Sourate Fatir, le verset 41, Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. Malgré tous les péchés, malgré toutes les fautes, Allah retient les cieux afin qu'ils ne s'affaissent pas sur nous. Nous commettons les péchés. Les causes du châtiment sont réunies. Mais l'indulgence d'Allah Azza wa Jal prend le dessus et repousse de nous ce châtiment mérité. Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala explique ce verset et dit: le Très-Haut nous informe de la perfection de son omnipotence, la perfection de sa pitié et de sa miséricorde, la vasteté de son indulgence et de son pardon. Et qu'il, élevé soit-il, retient les cieux et la terre afin que tout cela ne s'affaisse pas. Et si cela avait lieu, personne parmi ces créatures n'aurait pu retenir les cieux et leur capacité n'aurait pas pu réaliser cela. Leur force n'aurait pas été suffisante pour accomplir cela. Mais Allah a décrété que cela ne se produise pas, que les cieux restent et que la terre reste, afin que ses serviteurs puissent vivre en toute tranquillité, tirer profit de tout cela et tirer des leçons. Afin que les serviteurs aient connaissance de la toute-puissance d'Allah, de sa maîtrise absolue, de sa force parfaite et de sa pleine capacité, afin que ses serviteurs remplissent leur cœur du respect, de la vénération d'Allah, de la grandeur d'Allah, de son amour, de sa considération, afin qu'ils aient connaissance de la perfection de son indulgence, de sa mansuétude, de son pardon, lorsqu'il donne du répit aux pécheurs et lorsqu'il ne s'empresse pas de les châtier. Alors que si Allah avait ordonné aux cieux de s'affaisser, et s'il avait, naam, il serait tombé sur nous, et s'il avait donné la permission, la terre nous aurait avalé. Mais il a la vasteté de la miséricorde et de l'indulgence. C'est lui certes l'indulgent, le très, c'est lui l'indulgent et le grand pardonneur. وقد اقترن اسمه تبارك وتعالى الحليم بالعليم في قوله تعالى ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم واقترن بالغني في قوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم واقترن بالشكور في قوله إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم واقترن بالغفور في قوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. L'auteur, حفظه الله تعالى, nous mentionne différents noms qui ont été mentionnés à côté du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Halim, dans certains versets. Il nous dit que le nom d'Allah Al-Halim a été juxtaposé à son nom Al-Alim, le savant. Dans Sourate Al-Hajj, et il les fera certes entrer en un lieu qu'ils agréeront. Et Allah est certes omniscient et indulgent. Donc on a mentionné la science d'Allah à côté de son indulgence. Dans Suratu Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal a mentionné à côté du nom d'Allah Al-Halim Al-Ghani, à côté du nom d'Allah l'indulgent, Al-Ghani, donc Al-Halim l'indulgent, Al-Ghani le riche, celui qui se passe totalement des créatures. Dans Suratul Baqarah, une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Allah n'a besoin de rien et il est indulgent. Allah est Rani et il est indulgent. Dans Suratul Taghabun, Allah Azza wa Jal a mentionné avec le, à côté du nom Al-Halim Al-Shakur, donc celui qui rétribue ses serviteurs, et si on peut dire, celui qui est très reconnaissant. Si vous faites à Allah un prêt sincère, il le multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah cependant est très reconnaissant et indulgent. وفي هذا دلالة على أن حلمه عن إحاطة بالعباد وأعمالهم وعن غنى عنهم فلا تنفع طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى وعن شكره فيشكر القليل من العمل وثيب عليه ويثيب عليه الثواب العظيم فلا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى وعن شكر فيشكر القليل من العمل ويثيب عليه الثواب العظيم وعن مغفرة فيتجاوز عن التائب المنيب مهما عظم إثمه وكبر جرمه فما أعظم حلمه وما أوسع فضله وما أجزل عطاءه ومنه ومنه فلله الحمد شكرا وله المن فضلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jal a mentionné à côté du nom de son nom Al-Halim, Al-Alim, le savant, Al-Ghani, celui qui se passe largement des mots, Al-Shakur, celui qui est très reconnaissant. Et dans cela, il y a un grand sens qu'on tire. Ça nous indique que l'indulgence d'Allah est avec la perfection de sa science, de l'état de ses serviteurs et de leur désobéissance, de leurs actions. L'indulgence d'Allah Azza wa Jal a lieu bien qu'il se passe largement d'eux, parce que c'est Al-Ghani, il n'a besoin d'aucune de ses créatures. L'obéissance du serviteur n'est pas utile à Allah. Et le péché du serviteur ne nuit en rien à Allah. Ajoutez à cela que l'indulgence d'Allah Azza wa Jal est avec la perfection de sa reconnaissance. Il rétribue le peu d'actions faites par le serviteur et il lui donne une grande récompense. L'indulgence d'Allah est donnée avec la perfection de sa pitié, ou plutôt de son pardon. Il passe sur les fautes de celui qui se repent et revient vers lui. Aussi grande soit-elle, aussi grave soit-elle, ô combien est immense l'indulgence d'Allah, ô combien sont vastes ses faveurs, et ô combien est incommensurable son don et sa faveur, et ses dons et ses faveurs. Ô combien sont incommensurables ses dons et ses faveurs. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Nous témoignons notre reconnaissance. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a donné ses grâces et ses faveurs, nous remercions Allah Azza wa Jal et nous montrons reconnaissant, nous le louons, des louanges abondantes, bonnes et bénies comme il plaît à notre Seigneur et comme il agrée. Walhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah ala hilmi. Alhamdulillah ala shukri. Alhamdulillah ala maghfirati. Alhamdulillah ala al-islam wa al-qur'an. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah ala ni'mati talib al-ilm wa dirasati al-asma'i was-sifat. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna warda. Wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Halim la tu'adhibna bi dhunubina. يا حليم لا تعذبنا بذنوبنا يا حليم لا تعذبنا بذنوبنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.